Épilogue. Peu de temps après ce tragique événement, Escander conduisait à l'hôtel Germaine Laurière, vêtu de blanc, les yeux irradiés de bonheur. Ce que le public connaissait de la vérité suffisait pour assurer au jeune couple la sympathie de toutes les classes de la société. Aussi, une foule innombrable emplissait l'église et encombrait les rues que devait suivre le cortège. Germaine, un peu pâle, les grandes joies sont aussi des douleurs, mais souriante, s'appuyait au bras d'Escander, promu la veille officier de la Légion d'honneur. Verdot, par le même décret, avait été nommé au grade de chevalier. Le président de la République, les ministres, avaient signé au contrat, et le ministre de l'Instruction publique avait désigné la future Madame Escander pour une importante chaire de chimie. Ce fut la jeune mariée qui, s'aidant de fragments de notes recueillis sur le cadavre de Jacques Lambert, il avait été retrouvé, la tête trouée d'une balle au fond du caveau qui lui servait de laboratoire et que le feu n'avait pas atteint, donna les explications les plus plausibles au sujet des moyens employés par les Rajisrak. Elle fut adoptée par tous les corps savants et reproduite dans les journaux du monde entier. Nous en donnons ci-dessous quelques extraits. L'étrange matière, le cristal opire, inventée par Jacques Lambert, se présentait sous forme de feuilles transparentes qui pouvait s'obtenir sans solution de continuité à n'importe quelle dimension, un petit morceau. Plongé dans le bain mystérieux, s'accroissant en effet sans cesse sous forme de lamelles aux dépens du milieu. Le cristal opire possédait l'étrange propriété de faire passer la chaleur du milieu qui baignait l'une de ses faces dans le milieu baignant l'autre face. En d'autres termes, il semblait que l'une des faces avait le pouvoir de pomper, en quelque sorte, les calories de l'atmosphère qui se trouvait de son côté. Ces calories traversaient la matière et l'autre face les réfléchissait dans l'atmosphère voisine. Il y avait donc échauffement d'un côté et refroidissement de l'autre par suite d'échanges d'énergie calorifique. Quelle était la cause de ce phénomène extraordinaire? L'intervention de l'air était-elle nécessaire ou se produisait-il dans un milieu quelconque? Les quelques notes de Jacques Lambert sauvées du désastre ne donne malheureusement pas la clé du mystère. Et comme aucune parcelle de cristal opire n'a été recueillie, force est de s'en tenir à des hypothèses. La plus admissible est que l'une des faces, tant sans doute par sa composition chimique que par sa cristallisation et par son état spécial moléculaire, avait la propriété de ralentir le mouvement des corpuscules infiniment petits, séparés les uns des autres, qui, d'après les dernières données de la science, constitue toute matière. Ce ralentissement entraînant un refroidissement libérait de l'énergie qui traversait, sous forme de vibration, la matière. Et cette énergie allait, par un phénomène inverse dû à des conditions différentes de la seconde face, augmenter la vitesse des corpuscules élémentaires du fluide baignant cette seconde face. Par cela même, elle provoquait l'échauffement de ce fluide. Ce phénomène n'était permis que grâce à un déséquilibre complexe entre les deux faces de l'étrange matière, qui ne devait pas être homogène et était sans doute constitué par un assemblement de pellicules infiniment fines de matières différentes. Dans les laboratoires souterrains du château du Hoc, on produisait en grand l'étrange matière, qui était emmagasinée sous forme de rouleaux. Ces rouleaux étaient emportés par des hélicoptères perfectionnés, de forme et de couleur telles qu'à quelques centaines de mètres de hauteur, ils étaient invisibles. Des ondes électriques assuraient le synchronisme absolu de marche de ces machines volantes, qui pouvaient ainsi se déplacer en groupe sans endommager l'extraordinaire charge qu'ils soutenaient. Arrivés au-dessus de l'endroit fixé par le maître, les hélicoptères se divisaient en séries qui s'écartaient selon certaines directions afin de dérouler la matière dans le sens indiqué par les ordres donnés, et représentait du côté du sol tantôt la face absorbante de la chaleur, tantôt la face accumulatrice de chaleur. Suivant la superficie des séries de rouleaux développés, suivant la hauteur au-dessus du sol des nappes ainsi étalées, suivant les conditions atmosphériques, suivant le temps de stationnement, les effets destructeurs étaient gradués pour, suivant la volonté souveraine des Rajisrak, constituer des avertissements ou provoquer des catastrophes dont l'ampleur était déterminée d'avance. C'est ainsi que le Raja Tokradasipal avait su utiliser la merveilleuse invention, due peut-être à un hasard, du chimiste Jacques Lambert, afin d'essayer d'arriver à ses fins ambitieuses. Rien ne l'avait arrêté, et il avait semé les ruines sur toute la terre, alors que si cette découverte était tombée entre les mains d'un de ces grands philanthropes dont l'humanité s'honore de temps en temps, il s'en serait servi pour améliorer les conditions générales de l'existence sur notre planète, puisqu'il aurait été maître du froid et du chaud.